pension pour des dommages causés par la vaccination. En 2009, on a mis le monde entier en garde contre la grippe porcine H1N1 et on a préconisé la vaccination à l'échelle mondiale. Des conseils qu'a suivi une plaignante âgée de 12 ans à l'époque. Par la suite, de la fatigue et d'autres symptômes sont apparus qui n'ont été reconnus que des années plus tard comme des indices d'une maladie du sommeil chronique, narcolepsie. Depuis, le tribunal social de Koblenz a accordé à la plaignante une pension de 326 euros par mois. Mais comment est-ce possible que les coûts de la pension mensuelle soient supportés par le contribuable alors que l'industrie pharmaceutique responsable ne fait qu'encaisser des profits ?